Mardi 14 mai, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de cette émission consacrée, comme à l'habitude, à l'univers des arts visuels. Aujourd'hui, on discute avec Maryse Goudreau qui nous présente son exposition Port d'attache, à vue. Dominique Savoie est allé faire un tour à l'œil de poisson. Il nous parlera des expositions de Baptiste de Bonbourg, Turbo, et celle de Stan de tir, donc Muriel Lehmann, Frédéric Laliberté, Simon Paradis, Dionne Samplé, Jocelyn Robert. Également, on reste à l'œil de poisson parce qu'on discutera avec Mathieu Fecteau qui nous parlera de son exposition Grande Mouture et aussi de son projet Tu crèves pas à ça. Donc, c'était le soir du vernissage il y a 2 semaines, vendredi, pas qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Et il avait fait une machine à crêpes de 16 pieds. Il avait fourni des crêpes gratuitement aux gens qui passaient à côté du complexe Méduse. Mais Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et comme à l'habitude, Simon Roy nous a fait une sélection audio. Bonjour. Bonjour, Julie. Comment vas-tu? Ça va très bien. Content d'être de retour après une petite pause de la semaine passée. Ben oui, effectivement, on n'était pas là la semaine dernière, mais aujourd'hui, on est de retour en force. Et qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Soviet Jazz. C'est un duo qui vient de Stockholm, en Suède. C'est composé par Christopher Persbrand et Peter Carlson. Donc, Soviet Jazz, tout de suite avec le nom du duo, ça nous donne une petite idée. C'est du jazz, mais de vraiment détourner ces instruments analogues, mais remélangés de façon électronique. Un peu ambiance film noir, je trouve que ça ferait une bonne trame sonore pour un film noir. Donc, c'est leur album s'intitule The Ominous Sessions. C'est sur l'excellente étiquette Acoustronica. C'est une étiquette qui est italienne. Beaucoup de matériel assez varié sur l'étiquette, dont Soviet Jazz. Donc, moi, c'est ma découverte du jour. Album vraiment excellent. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Et on s'en met en oreille tout de suite. On écoute Delusionist sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un extrait de la pièce Delusionist tirée de l'album The Ominous Sessions de Soviet Jazz, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'émission de Simon Web Musique les dimanches à CKRL à compter de 21h. L'homme que vous entendez tousser en background, c'est Raymond Poirier. J'essaie de le faire subtilement. Bonjour Raymond Poirier. Bonjour Julie Gagné. Ça va bien? Oui, ça va. Dans les arts visuels, ça va bien? Oui, ça va. En fait, peut-être une petite étude sur laquelle je suis tombé qui a été publiée du côté de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec sur les conditions conditions de vie des artistes, les conditions économiques, c'est à partir de l'année 2010, et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Bon, évidemment, le lien vers l'étude intégrale, ou du moins le survol intégral, il est sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Mais d'ici là, quelques grandes lignes. En fait, on dénote notamment 3222 artistes au Québec. Donc, on a parti d'une collecte d'à peu près la moitié de ce nombre-là pour aller statuer pour l'ensemble du réseau. Évidemment, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un artiste selon l'Observatoire? Eh bien, c'est une personne qui compte 2 années de pratique à titre d'artiste professionnel, qui pratique les arts visuels de manière professionnelle et qui a déjà exposé ses œuvres dans un contexte professionnel. Alors, ce qu'on remarque au niveau salarial, c'est que le revenu personnel moyen des artistes est de l'ordre d'environ 33 000 $. Donc, globalement, pour l'ensemble des 3 000 personnes qui pratiquent le métier, eh ben, c'est comparable, donc, à la médiane de la population en général. Toutefois, ce qu'on dit, c'est qu'il faut évidemment nuancer ce profil-là. Et notamment, je voulais un petit extrait que je trouvais assez, assez parlant là-dessus. On dit, et je cite, il semble que plus un artiste investit une part importante de son temps dans la création en art visuel, plus le revenu qu'il en retire est élevé. Toutefois, en ce qui concerne le revenu personnel total, la relation semble inverse, à savoir que plus un artiste consacre une part importante de son temps à la création en art visuel, moins son revenu personnel total est élevé. Donc, sur le 33 000 de médiane, ça englobe certes des montants quant aux revenus professionnels d'artistes, mais également les travaux, les emplois parallèles qu'on peut également occuper. Et si on regarde plutôt, par exemple, des artistes qu'on a qualifiés de précaires dans l'étude, donc environ 680 artistes qui s'y consacrent à temps plein, mais qui ont pour beaucoup moins de 35 ans, eh bien là, on parle d'un revenu personnel moyen net de 9 300 $. Oh. Et quand on parle d'artistes prolifiques, donc les artistes à temps plein, un peu plus établis, donc à peu près 1020 artistes approximativement, alors on parle d'un revenu médian d'à peu près 10 900 $. Alors, on voit qu'il y a donc une certaine disparité dans les revenus à retenir. Mais plus l'artiste est artiste à temps plein, moins il gagne de sous, sauf quelques exceptions, évidemment, des artistes qui sont bien établis et qui vont chercher quand même un revenu important dans la production de leurs œuvres. Un autre élément aussi qui ressort de ça, c'est l'idée que pour beaucoup d'artistes, la pratique, ne certes, elle génère des revenus, mais dans bien des cas, elle génère plus de dépenses que de revenus. Et donc, ce qui fait aussi que les montants pour lesquels on achète une œuvre d'art en niveau temps et matériel, ben finalement ne réussissent pas dans une optique de salaire minimum et de rembourser son temps et son effort de taux horaire et de taux matériel. Ben en fait, ça équivaut pas au prix réel, au coût réel de production de l'œuvre. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est quelques statistiques comme ça qu'on retrouve là-dedans et après ça des portraits au niveau formation et autres. Mais c'est toujours intéressant de voir justement des profils comme ça et de voir que ben effectivement on a l'impression que les artistes ont difficulté à tirer d'un revenu temps plein, ben c'est une étude qui vient démontrer, qui vient corroborer un peu tout ça. Alors voilà. Sinon, on reste, tiens, au Québec et à Québec. C'est sorti au début de semaine. La ville de Québec qui veut faire passer d'ici 2020 de 125 à 160 le nombre d'œuvres d'art de propriété municipale sur son territoire. Ça représente une hausse de 28 %. Alors pour y arriver, l'administration de la Beaume prévoit joindre une œuvre d'art à tous les projets de construction ou d'agrandissement d'immeubles qui sont financés par des fonds municipaux. Alors essentiellement, la ville de Québec qui a ciblé l'art public comme étant une manière d'élaborer, de créer, développer une signature pour la ville de Québec. Et ce qu'on spécifie également, c'est que ce sera pas non plus simplement le cas de diffuser des œuvres d'artistes provinciaux ou internationaux, mais vraiment d'axer d'un côté sur le temps local, de l'autre côté sur la relève également pour présenter un portrait de ce que sont les arts à Québec à travers ce type d'approche-là. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura donc pour tous les projets de 500 000 $ et plus, 1 % du coût des travaux pour les premiers 5 millions, 0,5 % pour le montant excédentaire également. On verra évidemment qu'est-ce que ça donnera dans le rendu sur le terrain. J'ai bien hâte de voir parce que moi, je me rappelle quand on parlait de la construction d'un certain Colisée qu'on voulait garder la façade de l'hippodrome et l'intégrer au bâtiment comme étant le 1 %, justement. Donc, quel type d'œuvre d'art public est-ce qu'on va voir? Exactement. Puis on peut se rappeler d'autres projets controversés, par exemple une œuvre de Louis-Robert Drouillard qui devait se retrouver dans un parc. Finalement, bon, il y avait eu problème avec la ville par rapport au choix de l'œuvre. On était revenu un peu là-dessus parce que ça passait moins. Alors la bouche d'égout aussi de Martin Bureau avec la reine. Puis Alors est-ce qu'il y aura un certain contrôle du type d'œuvre d'art pour en disant ben oui, on veut représenter un peu tout ce qui se fait, mais dans un contexte plus politiquement correct, plus consensuel. Est-ce que l'art est recherche de consensus également? Ça, c'est une des questions auxquelles... Dossier à suivre. Exactement. Hein? Alors, on met ça dans une pile de dossiers à suivre. Un autre élément qu'on mettra sûrement dans la pile des dossiers à suivre, c'est... je suis tombé là-dessus dans Le Figaro. Il y a un institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques qui a sorti un brûlot, on pourrait dire. Donc, une opinion disant que les musées devraient essentiellement pouvoir vendre leur collection en tout ou en partie, que le public est essentiellement l'oublié de la politique d'accumulation qui prévaut selon eux dans les musées, en disant ben regardez, on leur demande d'acheter des œuvres d'art, ils remplissent leur collection, ils remplissent leurs réserves, mais il y a seulement une proportion infime de ces éléments-là qui se retrouvent exposés au bénéfice des gens qui financent en partie donc ces institutions-là, le public. Et donc eux disent ben regardez, si on en arrive à réussir à se départir d'une partie des œuvres qui ne sont pas diffusées, ben ça pourrait permettre une plus grande circulation des œuvres ou d'utiliser les fonds pour la diffusion des œuvres restantes. En France, évidemment, c'est sujet à débat, cette sortie-là. Les musées qui disent oui, la proposition n'est pas dénudée d'intérêt, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les musées ont un mandat de conservation, un mandat de représenter à travers leur collection différentes époques pour permettre la, certes, la diffusion, mais également la recherche. Parallèlement, que c'est pas toutes les œuvres non plus qui sont diffusables. Et enfin, qu'une grande partie des collections sont diffusées, mais pas nécessairement de manière permanente, mais plus à travers des projets plus ou moins réguliers. Donc, un petit débat qu'il y a là-bas et qu'on vous lance ici ce soir à l'aérospatiale. Et en terminant, deux tristes nouvelles pour le milieu des arts. Début mai, qui a vu disparaître le président fondateur de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, Louis Bruens, qui est mort à 85 ans. En cette fin de semaine, en fait, quelques heures seulement après avoir participé au gala annuel de l'organisme qu'il avait fondé. Il a parti une bonne partie de sa vie à essayer de valoriser les artistes en arts visuels du Québec. Également, outre M. Bruens, dans les arts à Québec, elle était à la barre de la galerie Lacerte pendant pratiquement deux décennies. Martine Paquet, qui est décédée au début du mois de mai d'un cancer des poumons. Elle est appréciée et connue pour son dévouement et ses qualités humaines mises au service des artistes, des collectionneurs et des journalistes. On a vu d'ailleurs au fil du mois plusieurs témoignages de sympathie qui mettent en évidence sa place et le rôle important qu'elle tenait dans le milieu des arts visuels à Québec. Alors évidemment, nos sympathies aux familles des disparus. Effectivement, merci beaucoup Martine pour toute l'aide que tu nous as procurée. Repose en paix. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On s'en va en pause audio, on écoute The Bus Driver. Au retour, on discute avec Mathieu Fecteau. We'll be right back. Et voilà, c'était un extrait de la pièce The Bus Driver. On est toujours à l'aérospatiale et on est rejoint par Mathieu Fecteau. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Mathieu, tu présentes Grande Mouture à la petite galerie de l'œil de poisson. Il y a deux semaines, au vernissage de l'exposition, tu présentais « Tu crèves pas à ça, c'est le résultat de ton cumul de prix tombés dans l'œil ». Exactement. Donc, moi, j'ai eu la chance de gagner deux fois le prix tombé dans l'œil. Une fois pour au Cégep Limoilou, option sculpture, puis une fois à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment ça qui a déclenché mon projet. Là, j'ai décidé d'en profiter pleinement. Deux mois d'atelier, j'ai décidé de faire un gros projet. Donc, le résultat de ça a été Grande Mouture et Tu crèves pas à ça. Mais ça fait quand même un certain temps. Je crois que tu avais reçu le prix là, pour quand tu étudiais en technique de métier d'art. Qu'est-ce qui a fait que ça a été si long que ça? Ben, en fait, moi, j'ai eu le parcours. J'ai fait le cégep. Puis, ensuite de ça, je me suis inscrit tout de suite à l'université. Puis, ce prix-là, j'y accordais beaucoup d'importance, mais j'osais pas le prendre. Je me disais, moi, le garder pour un gros projet que je vais avoir à faire. Puis, c'est venu après l'université parce que tout le temps de l'université, j'avais accès aux ateliers là-bas. Donc, j'ai vraiment. Je le gardais en mémoire, je le gardais sur moi. Puis là, ben l'occasion a fait que j'ai pu m'en servir dans un grand projet qui a bien servi. C'est ça, parce que là, dans le fond, on peut voir en ce moment dans la petite galerie, on y reviendra, on peut voir Grande Mouture, mais tu avais aussi le 3 mai pour le vernissage, tu organisais les vêtements. Tu crèves pas à ça, où là, tu as construit une machine à crêpes de 16 pieds. Ben exactement, Julie. En fait, c'était un projet connexe. Les deux projets ont un lien ensemble. Le projet principal, c'était de construire une meule à grains. Une meule à grains, je trouve que c'est un objet traditionnel qui est très riche en histoire, très riche aussi en fonctionnement. C'est un des premiers outils là de l'histoire de l'humanité. Puis, pour moi, c'est vraiment intéressant de me poser la question, suis-tu capable, avec les outils d'aujourd'hui, toutes les machines qu'on a autour de nous, les techniciens, les matériaux aussi, est-ce que je suis capable de me faire une meule à grains? Fait que ça, c'était vraiment ma question de base. Mais là, bon, c'est bien beau, là, la question philosophique, mais ça prend un grand projet pour avoir du plaisir, pour attirer le monde. Fait que ce que je me suis dit, c'est qu'on va organiser un festival de la machine à crêpes de 16 pieds où on va pouvoir utiliser la farine qu'on va faire avec la meule à grains, puis distribuer ça, là, à la Ville de Québec. OK, donc toute la farine qui a été utilisée quand vous avez fait les crêpes, c'était vraiment la farine qui avait été moulue sur la meule. Ben, en fait, là, il y a un petit mensonge parce qu'on a servi beaucoup de crêpes, hein. Puis, ça en avait servi combien? Est-ce que tu sais? Oui, dans les 250 crêpes. Ah, quand même? Oui, c'est quand même un bon résultat. On est bien content. Puis, mais malheureusement, la machine à farine, la meule à grains, était pas très productive. En fait, c'était pas l'idée non plus du projet. L'idée, c'était d'expérimenter ça, mais c'était pas d'arriver avec une machine qui soit plus performante que celle qu'on achète, là. Sûrement qu'un moulin à café serait plus efficace, en fait, là, que ma meule à grains. Mais l'idée, c'était de le faire nous-mêmes, puis on utilisait un petit peu de cette farine-là, là, dans la confection des crêpes. Mais okay. C'est pas toutes les crêpes qui ont été faites avec cette farine-là, malheureusement. Bon, quand même, là, t'as transformé un objet à la base utilitaire en œuvre et en événement artistique, d'une certaine manière. Ben en fait, c'est pas seulement un objet utilitaire, c'est un objet artisanal. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. Puis c'était là tout le défi là de ce projet-là. C'était avec plein de matériaux de récupérer hétéroclites. C'est pas une reconstitution historique d'une vraie meule à grains, hein. C'est vraiment ma façon propre interprétation. Ouais. Puis dedans, j'ai utilisé plein de matériaux. Là, il y a un masse de bois de palette. Il y a aussi des pierres de l'église qu'il y a dans la côte d'Abraham. L'église qui a été démolie là, il y a à peu près 4-5 ans. Là. Ah oui, t'es allé glaner des pierres. Ben je me suis fait donner 4 pierres de ça. Puis c'est ces pierres-là qui servent à moudre le grain. Donc une espèce de il y a une valeur symbolique aussi à ça là. Ah quand même. Hein? Donc les pierres d'église pour se faire de la farine pour nourrir les gens gratuitement. Donc je trouve qu'il y a une continuité là-dedans qui est trippante. Là. Puis en même temps, je pense qu'avec ta meule, tu utilises quand même bien l'espace de l'œil de poisson qui est, en termes de largeur, de profondeur, assez petit, mais qui est très, très haut. Ben c'est intéressant d'essayer de donner des nouvelles fonctions au centre d'exposition. Puis là, ben le centre d'exposition devient une meunerie. Les gens peuvent y aller, moudre leur propre farine, puis retourner chez eux avec leur petite farine. Là. Évidemment, là, comme je le disais, c'est pas très productif. Donc, quelqu'un qui veut faire beaucoup de farine, j'y conseille pas nécessairement, mais c'est dans l'idée. Là. Les gens peuvent se rendre sur place, faire leur farine, puis retourner chez eux avec ça. Ouais, c'est ça, parce que dans le coin, il y a des petits sacs, là, donc on peut carrément remplir nos sacs. On monte dans des escaliers pour... Pour aller verser le grain, donc ça devient immersif, puis l'endroit change un peu de vocation. Là. On se croit plus dans une galerie d'art, on se croit dans une meunerie, carrément. Puis ce qui était le fun aussi, c'était de voir comment les enfants sont bien sensibles à ça, puis les objets interactifs, ça les touche beaucoup. Puis pendant le vernissage, là, maintenant, il y avait 6 enfants qui s'amusaient à moudre des Froot Loops. C'était vraiment le fun de voir ça, là, à quel point les autres s'appropriaient l'espace, puis que ça devenait complètement un autre lieu. Là. C'est ça, parce que les grains, en fait, c'est des céréales. Ah, ben il y a différents grains, là. Okay. Pendant des jours, il y a plus ou moins d'une sorte ou de l'autre, mais ce qu'il y a surtout, c'est les Froot Loops, parce que les gens aiment ça, de la farine multicolore. Ben oui, effectivement. Donc, une farine très, très bonne pour la santé ben aussi. Ben oui. Mais là, on parle beaucoup de ton idée de transformer l'espace en meunerie, mais j'imagine quand même que tu avais des préoccupations aussi esthétiques là, dans la construction de tout ça. Ben oui, évidemment, à faire les choses à ma façon. Donc, c'est bien bricolé, là, rudimentaire, je dirais. J'ai essayé d'utiliser des moyens assez simples à m'apporter pour fabriquer ça. Essayer de mettre l'accent vraiment là sur le fabriquer soi-même. Donc, de A à Z, c'est moi qui ai tout fait, là, la taille de pierre, là, tout ça. Puis, je suis pas nécessairement un technicien expérimenté dans chacune de ces choses-là. Donc, c'était vraiment pour moi un défi là, d'essayer de travailler tous ces matériaux-là puis de voir si je pouvais le réussir. Puis, évidemment, ben c'est un prétexte à faire une sculpture. Je suis sculpteur avant tout. Donc, c'est un objet qui est intéressant aussi à regarder, là, même si on l'utilise pas. Mais tu parles justement d'aspect rudimentaire. J'ai l'impression que cet aspect-là vient aussi d'un côté ludique que tu as à travailler, donc tout le plaisir que tu as à expérimenter puis à jouer un peu avec les choses. Oui. Je pense que les gens qui sont bons techniquement, ils arrivent devant ça puis ils ont un petit sourire parce qu'ils trouvent que c'est un peu fait broche à foin, si je pouvais le dire. Mais il y a beaucoup d'amour, là, beaucoup de travail, beaucoup de temps mis là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un peu bric-à-brac, un peu patenté. Puis il y a souvent des objets qui sont détournés aussi. Fait que les gens se disent, mon Dieu, il a utilisé ça pour faire ça, c'est assez drôle. Donc ça intéresse un peu tout le monde, les gens qui veulent y toucher, les gens qui s'intéressent plus à la construction, puis les gens aussi qui s'intéressent à l'aspect formel, parce que dans les objets fonctionnels, tout le questionnement d'équilibre, de proportion, tout ça, n'a pas le choix d'être là, parce que l'objet, il doit se supporter lui-même. Les pierres peuvent peser quelque chose comme 300 livres. Donc, la structure en tout de ça, elle doit être solide. Donc, tous les aspects de poids, de balancement, tout ça, c'est tout là-dedans, là, automatiquement. Et j'ai envie qu'on revienne sur ta machine à crêpes de 16 pieds. Ben parce oui. Que là, tu l'as construite pour cette soirée-là, quand même. C'est beaucoup de temps de travail pour l'événement. Absolument. Donc, au début, j'évaluais à peu près un mois de travail pour la meule à grains, un mois de travail pour la machine à crêpes. Mais dans les faits, ça n'a pas tout à fait respecté ça. Là, c'est tous les deux un peu plus qu'un mois de travail parce que je faisais plus que du temps plein. Mais donc, c'est ça, c'est une structure de 16 pieds dans le même esthétique. Avec des mécanismes plus simples, par exemple, là, la meule à grains est plus complexe là, dans l'interaction des pièces ensemble. Là. La machine à crêpes, donc c'est un objet énorme qui est extérieur, puis qui clash un peu avec l'univers ambiant aussi, là, c'était le fun. Puis il y avait des poules. Oui, moi, bien moi bien, j'allais faire un tour, je t'ai pas vu cette soirée-là, mais quand j'ai levé la tête et que j'ai vu les poules, je me suis dit, mon Dieu, mais elles nous pondent des œufs bien frais pour des crêpes bien fraîches. Le principe de la machine à crêpes, là, c'était qu'on avait en haut complètement une cuve de lait qui descendait par un tuyau à peu près à 16 pieds dans les airs. Juste en dessous de ça, il y avait une cage à poules. Là-dedans, il y avait deux poules Chanteclair. C'est une race de poules là, canadienne, française. C'est vraiment des superbes poules qui appartiennent à ma mère. Donc, ils étaient là puis ils produisaient des œufs. Ils n'ont pas fait d'œufs dans la soirée, mais ils en ont fait un en s'en allant dans l'auto. Donc, c'est une belle anecdote. Sinon, en dessous de ça, il y avait un distributeur à œufs qui, malheureusement, le soir même, n'a pas fonctionné. Je devrais peut-être pas le dire. C'est un peu une petite défaite, mais c'est pas si mal. Ensuite de ça, il y avait une plateforme où les gens pouvaient animer puis faire le mélange à crêpes. Puis ils pouvaient verser le mélange à crêpes dans des poêlons. Il y avait 35 poêlons là, en dessous de ça qui étaient disposés tout autour de la sculpture. Puis il y avait 12 animateurs, des gens issus du milieu des arts à Québec, qui distribuaient les crêpes là, aux passants. Donc c'était des crêpes gratuites. Puis c'était bien le fun. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et tu parles justement de gens des arts à Québec. Là. Il y en avait plusieurs, mais moi j'ai reconnu Mathieu Gauthier, Éric Dorion, Émilie Proulx, Olivier, Jean-Robert Drouillard. Il y avait un artiste qui est en résidence à la Chambre Blanche. On avait pas mal de monde, c'était pas mal de fun. Il y a Andréanne Gagnon qui était là. Il y a ma mère aussi, évidemment. Ah ouais. Ma mère qui est pas issue du milieu des arts, mais qui est qui t'a fait quand même. Ben oui, puis qui est quand même rendu connue là pour son travail de alimentaire exceptionnel qu'elle a toujours fait souvent dans mes événements. Puis super cool le spectacle, faut qu'elle avait sa place là. Mais pourquoi t'as demandé à des artistes? Ben, je trouvais que c'était une façon d'amener la fête populaire dans le milieu des arts, essayer de se réapproprier la fête, puis de se réapproprier un bout de terrain de la ville aussi, puis de vraiment faire que le milieu des arts produise un événement festif gratuit vraiment populaire. Je peux le dire. On est gêné avec ce mot-là, populaire, mais je trouve que ça vaut la peine de le dire des fois. Oui, ben en fait aussi des fois pour approcher le milieu des arts de la rue aussi là, oui. On était quand même à un endroit passant. Est-ce que tu sais s'il y a des gens justement qui sont allés qui étaient pas au courant de ce qui se passait puis qui ont su qu'ils pouvaient manger des crêpes, qui ont arrêté, qui ont jasé? Ben il y a beaucoup de monde là, c'est le commentaire principal que j'ai eu là, surtout en début de soirée, des petites familles qui passaient qui disent on reste juste à côté, on n'a jamais mis les pieds à l'œil de poisson, mais là l'événement fait en sorte que on a le goût de rentrer puis on voit c'est quoi pour la première fois. Fait que ça c'est un peu mon mandat là second. Là-dedans, c'est d'essayer d'ouvrir des portes, là, d'essayer de toucher un peu n'importe qui avec ce projet-là. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Mais je pense que c'est quelque chose aussi parce que tu es dans le collectif M&M avec Mathieu Gauthier. Oui, oui. C'est quelque chose qui semble assez important pour toi ou pour vous deux aussi, là, d'aller chercher des gens, comme la voiture que vous aviez exposée à Zara pendant la manif, par exemple, ben vous oui. étiez promené avec elle, est un peu inutile. Mais touché inutile dans le sens où on peut pas rouler avec elle dans la rue. Là, on vous peut, la... avec ah ouais? poussé, avec moi et Mathieu Gauthier qui poussait en arrière, on réussissait à aller quand même assez vite. OK, mais est-ce que y en a tout le temps un qui poussait? Souvent, c'était les deux, puis on invitait les gens à s'asseoir en avant. Ah, OK, OK. Ouais. Non, avec Mathieu Gauthier, c'est vraiment une préoccupation qu'on a aussi. On a chacun notre démarche personnelle. Quand on travaille ensemble, on essaie de faire des projets qui, justement, touchent la population. On a tous les deux aussi fondé un organisme dans la région de Portneuf, le groupe artistique Portneuvois, ouais. qui essaie de mettre en place des activités culturelles, mais en dehors des lieux de diffusion habituels, donc dans des festivals, en pleine forêt. Donc, essayer de toucher les gens, aller chercher les gens. En fait, c'est né d'une préoccupation qui est dans Portneuf, dans le coin de Saint-Léonard et Saint-Raymond, il n'y en a presque pas des lieux de diffusion. Donc, pour nous, c'était logique d'aller en dehors de ces pas de lieux-là, puis de trouver des façons de toucher les gens. Puis là, bon, on s'est mis à toucher des gens de différentes origines, puis on s'est rendu compte que les gens aiment ça. Les gens ont vraiment un amour de l'art, mais si on les touche pas autrement, ben ils vont pas se déplacer. Ils ont pas eu l'habitude d'aller se déplacer dans les centres d'artistes, dans les expositions, les vernissages. Donc, mais quand on va les chercher autrement, ben ces gens-là sont super intéressés. Puis c'est vraiment intéressant de les toucher aussi. Leurs commentaires sont super vivifiants parce que ils voient pas ça de la même façon. Ils amènent chacun leur touche personnelle, leur connaissance personnelle, leur acquis. Puis c'est très riche. Et Mathieu Fecteau, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ah, un festival d'art populaire de Saint-Ulrich avec Mathieu Gauthier. OK. Ça, c'est un peu plus tard dans l'été. Sinon, samedi prochain, on va être à Saint-Jean-Port-Joli, moi et lui, puis Mathieu Gauthier et moi-même, puis on va fabriquer une sculpture là pour la fête de la Terre à Saint-Jean-Port-Joli samedi. Donc, si vous êtes dans le coin, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Et voilà. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Donc, l'exposition Grande Mouture de Mathieu Fecteau est présentée à la Petite Galerie de l'Œil de Poisson jusqu'au 2 juin. On fait une pause et au retour, on discute avec Dominique Savoie. Téléchargez l'émission Change de disque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente les matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 418-977-7571. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne peux plus te chasser de mon... Le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Claude prend toujours toute la place. Dans les réunions au bureau. Donc les chiffres pour le trimestre sont... Hey! Je vous ai pas conté mon histoire de la pêche. À la maison. Puis ma belle, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Moi j'ai passé une super belle journée, puis en plus... Avec ses amis. Là, je suis allé voir la fille, puis je... Avez-vous vu mon nouveau chandail? Il est pas payé, ben... Malgré tout, lorsqu'il roule en voiture, Claude ne prend pas toute la place. Car il sait que les automobilistes doivent partager la route avec les cyclistes et les piétons. Allez-y, madame! Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercial@ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier au service personnalisé. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 88 842 27 34. Pédalier.ca. Fais attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de chez KRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente site à CKRL à 20$. Seulement 20$, pas cher. Viens chercher. 405 3e avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut. Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Voilà, il est 18h, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale et pour l'entamer avec moi, Dominique Savoie, bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Et on reste à l'œil de poisson, t'es allé voir, ben enfin, je t'ai donné le mandat d'aller voir les autres expositions. Oui, ben en fait, je suis allée voir surtout celle dans la grande galerie de Baptiste de Bombourg, intitulée Turbo. Mais Turbo, c'est aussi le nom d'une série d'œuvres qu'il fait là, présentement, depuis quelques temps. Là. Ben, c'est un artiste français. En fait, surprenamment, hein, c'est ça. Ouais, puis qui est quand même assez connu, tu sais, qui expose un peu partout là, à l'international, en Europe, aux États-Unis, puis au Canada. Il nous propose en fait une monumentale installation, ouais. On pourrait le dire comme ça. En fait, il a mené le défi d'utiliser, d'envahir complètement la grande galerie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a conçu une espèce de cascade chute conçue à partir de 300 pare-brises de voiture. Ah, c'est 300? 300. Donc, pare-brise de voitures qui ont été fracassées volontairement ou non, puisque ce sont pour la plupart des pare-brises de voitures usagées. Ah, c'est ça que je demandais, là, si... Oui, donc, ça crée une forme... En fait, la masse là, de l'installation est vraiment au fond de la galerie, puis donc, ça crée comme une espèce de cascade, ces espèces de ces pare-brises-là, donc, descendent, puis couvrent la totalité de la surface au sol. Et donc, premier abord, en fait, quand on arrive à l'entrée de la galerie, on hésite. Puis là, ben, il faut prendre la peine de regarder parce qu'il y a des écriteaux et par terre et sur le mur qui nous disent que oui, on peut y aller, on peut marcher sur l'installation. En autant que ça demeure là où c'est plat. Et là, c'est là la partie vraiment c'est là que plaisante. Le fun commence, hein? C'est vraiment ça. Ouais. En fait, là, je dois le dire en premier, là, c'est un coup de cœur là pour moi, là, cette exposition-là. Donc, les visiteurs peuvent marcher. Puis là, ben, l'effet que ça donne, c'est vraiment l'idée. C'est comme si on marchait sur un lac glacé. Donc, les premiers pas, t'hésites. Tu marches doucement pour pas glisser, pour pas casser la vitre parce que ça demeure de la vitre, puis pour pas donc te couper là, t'es vraiment hésitant, puis éventuellement ben là tu prends comme ton air d'aller, ouais, ton air d'aller, puis ton rythme, puis là ben tu te laisses aller, puis t'avances graduellement dans la salle, puis là ben tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que comme c'est de la vitre, ça crunch, ça fait du bruit. Donc il y a comme un effet sonore, puis dépendamment du rythme où tu vas, dépendamment il y a combien de visiteurs aussi, ben le son va changer dans l'installation. Puis ben comme c'est des pare-brises aussi, Donc, avec l'installation d'éclairage dans la salle, ben ça fait des reflets sur les murs qui ajoutent aussi à l'espèce de monumentalité de l'installation, parce que les effets lumineux aussi entrent donc dans ce jeu-là. Donc, visuellement, puis même en tant qu'expérience, c'est super intéressant à vivre. Et ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est, en fait, son titre, Turbo, vient d'une série là, qu'il produit depuis quelques temps. En fait, c'est vraiment toute l'idée, quand on parle de quelque chose qui est turbo, c'est toute l'idée aussi de la volonté de puissance. Donc, tu sais, on pense à, par exemple, un moteur turbo, donc qui fait plus de bruit, qui va plus vite, qui est plus efficace. Qui est viril, qui est bien mâle. C'est ça, exactement. Donc, cette idée-là est assez exploitée. C'est une thématique qui revient souvent dans son travail. Et ici, on la sent par la monumentalité, effectivement, mais le fait que ce soit des pare-brises aussi fracassés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de Bombourg travaille beaucoup l'idée, justement, souvent... En tout cas, la plupart des œuvres que j'ai vues, c'était souvent une idée comme d'un défoncement, un mur qui aurait été défoncé à une certaine visite, ou une espèce de protubérance murale éclatée. Le fracas, exactement. Donc, tu sais, ça peut rappeler l'idée de l'accident. Donc, l'accident de voiture, un moteur turbo qui va plus vite. Donc, on peut penser à ça. Puis, là, ici, la cascade, donc, avec les pare-brises, il y a quelque chose qui évoque encore une fois, là, cette idée d'accidenté. Et le fait, cette vitre-là est fracassée, donc ça rappelle aussi. Puis, il y a l'idée aussi du résidu de consommation, là. Donc, ce sont des pare-brises de voitures usagées, donc qui ont été réutilisées ici. Donc, l'idée aussi, on a tout l'esprit, donc la consommation, la voiture. Qui est en vitesse turbo aussi. Exactement. Donc, ça vient se rajouter dans le discours un peu de l'artiste. Mais, tu sais, malgré le fait que, moi, c'est sûr, j'ai fait mes recherches sur l'artiste, je voulais savoir parce que c'est impressionnant, là, donc j'ai voulu en savoir plus automatiquement. Oui, parce que esthétiquement, c'est très, très beau. C'est ça. On le sait quand même, comment on appelle ça, des pare-brises. Ça éclate pas, là, en mille miettes. Il y a quelque chose qui fait que la vitre est reste retenue, collée. Donc, c'est ça, elle est retenue. Donc, il y a toutes ces surfaces-là qui captent la lumière, ces minuscules morceaux de verre-là. Exactement. Qui, dans tous les côtés, captent la lumière et qui font les reflets dont tu parlais. On peut observer de près aussi. C'est sûr qu'on n'a pas envie de se mettre à genoux parce qu'il y a quand même de la poussière de vitre. Mais c'est justement, tu sais... Si on fait même abstraction là, du discours de l'artiste, juste visuellement, comme tu dis, esthétiquement, c'est impressionnant, tu sais, c'est très très beau. Le verre aussi, c'est un médium, tu sais, qui est pas très, on n'est pas habitué de voir ça dans l'installation, tu sais, ça évoque la fragilité aussi. Puis là, justement, cette fragilité, donc cette fragmentation du verre, nous donne aussi, tu sais, toute cette palette de couleurs due à la lumière, donc qui se reflète sur les murs, qui fait un jeu donc intéressant, parce que en soi, c'est assez monochrome, là. C'est dans les teintes de bleu-gris. Donc, c'est la lumière qui donne l'effet, la palette de couleurs qui s'éclate dépendamment donc des fracas. Plus le verre est cassé, plus la lumière va se refléter sur les parois murales. J'imagine, moi, j'y suis allée le soir du vernissage rapidement. J'y suis repassée par la suite, mais j'imagine que là, déjà, ça doit avoir changé. Sûrement. Parce que on marche, puis tu sais, on a goût aussi, parce qu'il y a quand même de la juxtaposition, de la superposition, d'un goût d'essayer d'en casser un petit bout. Mais c'est nécessairement ce qui arrive, là, quand tu marches. Juste t'entends le craquement en marchant, là. Puis c'est l'effet aussi, moi, je trouvais l'effet de surprise aussi, là, parce que, moi, personnellement, j'ai jamais marché sur des pare-brises. Non, moi non plus. Donc, ni sur un lac gelé, soit dit en passant, mais c'est ça, c'est juste, t'es tellement hésitant au début. Peut-être qu'au vernissage, comme il y avait plus de gens. Il y avait des enfants qui c'était couraient. Plus là, c'était plus facile. Vraiment... Moi, je suis allée, j'étais seule dans la salle, puis c'était en plein jour. Donc, la lumière était différente que le soir. Là. Donc, sincèrement, là, j'avais l'impression que je me lançais un peu dans le vide. Là. Je marchais là-dedans, puis j'ai vraiment hésité au début. Là. Même si on m'indique qu'on peut marcher, j'étais comme, OK, ouais, c'est quand même dérangeant là, sur le coup. Puis après, tu veux continuer plus parce que tu te rends compte, tu crées ta stabilité. Là. Puis tu veux aller voir aussi parce que tu y crois pas vraiment là, que c'est 300 pare-brise, mais c'est effectivement 300 pare-brise qui sont là. Puis C'est comme une forme d'architecture en même temps. Là. C'est vraiment, tu sais, il y a toute une réflexion pour bâtir ça. Là, on voit l'arrière aussi, tout le système d'échafaudage qui est derrière cette cascade-là. Donc, c'est visuellement puis techniquement assez impressionnant à constater et à voir. Donc, tu as apprécié. Écoute, c'est un coup de cœur. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis, tu sais, au point où j'avais envie d'aller voir plein d'autres expositions de cet artiste-là, qui malheureusement pour l'instant n'est pas ailleurs qu'à Québec. Bon, on est privilégié de l'avoir à l'œil de poisson. Voilà, donc c'était Baptiste de Bonbourg, Turbo, dans la grande galerie de l'œil de poisson. Vous pourrez aussi jeter un coup d'œil à l'entrée vidéo avec l'exposition de Mériole Lehmann, Frédéric Laliberté, Simon Paradis, Dionne, donc où on peut toucher des petits circuits qui activent des scies qui vont sur des genres de touches de j'imagine, de xylophone. Il y a un caractère très, très interactif. En fait, c'est ce qui m'a marqué à l'œil de poisson quand j'y suis allée. Ludique, interactif. Et là, ben j'y suis allée le soir du vernissage. Mathieu Fecteau en parlait tout à l'heure. Il y avait des enfants qui étaient là. Donc, c'était vraiment la fête, et la fête s'est quand même poursuivie en dehors du vernissage, oui. dans le calme, finalement, de la journée. Faut spécifier, justement, cette installation vidéo, là, elle a aussi quelque chose de très, justement, là, un peu proche de l'enfance, justement. Ouais. Là, c'est même, on dirait, presque des de jouets. Là, aussi, ouais, c'est ça. Là, c'est un commissariat de stand de tir qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Donc, exactement. On y est dans la palette ludique. Ben, Dominique Savoie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, c'était ta dernière participation à l'émission cette année, puisque on termine le 28 mai. On s'en va en pause audio. On écoute Jazz is Relentlessly et on discute avec Maryse Goudreau par la suite. Alors, c'était un extrait de l'album The Ominous Sessions de Soviet Jazz. La pièce, c'était Jazz is Relentlessly, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces de l'album d'aujourd'hui. La revue de presse de Raymond Poirier, l'émission en balado-diffusion, des communiqués de presse, etc., sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook. On publie nos menus, quelques nouvelles aussi en lien avec les arts visuels à Québec. On se transporte maintenant du côté de Montréal, puisque Maryse Goudreau, qui présente Port d'attache, a vu hier. Bonjour Maryse. Bonjour Julie. Port d'attache, c'est le résultat d'une résidence que tu as faite à vue, c'est ça? Oui, en fait, cet hiver, pendant la semaine où les glaces quittaient le fleuve, j'ai séjourné à Québec. Puis, je me suis installée pendant la semaine de plusieurs personnes pour photographier le fleuve. Puis, ce qui était particulier, c'est que la caméra que j'utilisais, c'est une caméra qui datait de 1850. Puis, pour faire la photo, je devais enlever le capuchon puis laisser la lumière entrer pendant 8 heures. Pour exposer le procédé photographique qui est inséré là, à l'intérieur. Donc ça, c'est des cyanotypes. Oui. Comment est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'allais-tu dire? Ah, c'est un cyanotype, donc c'est comme bleu, là. Contrairement au noir et blanc où on est plus habitué quand on parle de photos anciennes. Et qu'est-ce qui t'a amené... Comment es-tu venu en contact avec ce procédé-là? En fait, moi, je visite depuis quelques années toutes sortes de procédés anciens. Puis souvent, le propos que j'ai en faisant la photo, c'est qu'il y a certaines choses qui disparaissent, tout comme la photographie analogique, qu'on dirait, ou argentique. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes derniers projets, c'est de parler de la disparition des quais, de parler du fait que la population tourne le dos à sa dimension atlantique ou maritime. Puis l'idée de photographier la disparition des glaces, c'était vraiment juste pour nous rappeler finalement cet événement-là qu'on vit à chaque année. C'est toujours quelque chose que beaucoup de gens parlent de tout ça. Puis pendant même que je le faisais, il y avait des anecdotes quand même assez savoureuses là, qui m'étaient racontées quand j'allais chercher la caméra, ce qui s'était passé là, devant la caméra sur le fleuve. Oui, parce que là, toi, t'as installé, t'étais pas dehors, là, j'imagine, avec ça, c'est assez, ça doit être assez fragile. Donc, t'as demandé à des gens qui avaient des maisons avec une vue sur le fleuve la permission de pouvoir utiliser leur fenêtre, finalement, pour faire cette photographie, ces photographies-là. Oui, j'y allais le matin, là, vers 8 heures. J'installais la caméra, puis je revenais à 5 heures la chercher. Là, donc, j'occupais la fenêtre avec la plus belle vue pour la journée. Mais ça, j'imagine que tu devais comme cogner, tu devais parler aux gens du projet, tout ça? Oui, ça s'est fait de bouche à oreille. C'est pas mal, tout chez des inconnus chez qui je suis allée. Mais non, les gens ont été comme super fascinés là, de voir cet appareil-là qui... C'est vraiment impressionnant là, à voir. Hein, ça se compte sur les doigts de la main des appareils québécois là, de cette époque-là. Donc, c'est vraiment une pièce de musée. C'est un collectionneur qui me l'a prêté. Puis, c'était comme un privilège pour les gens de voir ça, puis de regarder ça, puis de voir comment ça marche. Là. Puis, en même temps, il y a quelque chose de très relationnel dans ce travail-là, parce que tu as besoin des gens aussi pour pouvoir créer ton projet. Oui, c'est qu'en plus d'avoir photographié, j'ai ajouté à ça des notes que j'ai prises, des choses que j'ai entendues sur les lieux. Je trouvais ça fascinant parce que ça nous parlait soit de notre rapport au fleuve ou soit de notre rapport à la photographie, puisqu'on en connaît de la photographie. Puis souvent, par exemple, quand on prend une photo aussi longue, qui dure 8 heures de temps, c'est sûr que tout ce qui va passer sur le fleuve, normalement, ça devrait être tellement bougé, imperceptible. Une des photos que j'ai faites, il y a une glace qui s'est échouée, la marée était basse. Quand la marée montante, elle est partie, mais on a vu quand même la glace la moitié de la journée, donc elle est comme fantomatique. C'est la seule chose que j'ai réussi à capter qui a bougé sur le fleuve pendant toutes ces prises de vue-là. Et quand même, toi, j'imagine que, tu dis t'intéresser aux procédés anciens, ça doit être quand même assez fascinant d'entrer dans ces univers-là. T'appréhendes pas ça de la même manière qu'une photographie argentique plus normale ou le numérique, là? Non, il y a vraiment quelque chose, là, je veux pas être ésotérique, là, mais il y a vraiment quelque chose qui se contrôle pas. Il y a toujours comme une surprise. On sait pas trop. à quoi s'attendre. Surtout quand on travaille avec un appareil ancien, c'est qu'on connaît pas les optiques. On sait pas comment que ça va déformer les images ou qu'est-ce qui va en donner suite, là. Puis en même temps, je sais pas, j'imagine que ça doit te donner une espèce de respect pour le médium. C'est dans le sens où, en tout cas, moi, je m'imagine d'utiliser ces objets-là qui ont à la base beaucoup de vécu, mais tout le temps que ça prend à exposer, tout ça. Donc, c'est vraiment une autre manière complètement de pratiquer la photo aussi. Oui, puis en plus, c'est que la façon que je présente mon travail ici, par d'attache, ça ressemble aussi à peut-être des photos qu'on installerait sur le mur d'un salon, là, chez grand-maman, il y a comme une espèce d'esthétique nostalgique, là. Oui, c'est vraiment à ça que j'ai pensé, en fait, quand je l'ai vu. Mais c'est vu aussi. Puis, ce qui m'habitait pendant que j'étais après de faire cette exposition-là, c'est que j'avais goût de parler d'appartenance, puis comment toute l'histoire du Québec a été faite par rapport vraiment au fleuve, puis comment il était important dans la façon que l'identité s'est construite, que le monde a comme peuplé le territoire. Aujourd'hui, on dirait que ça fait comme partie du passé, ce pan historique-là. Puis moi, c'est parce que je viens de la Gaspésie. J'ai pas la même relation au fleuve. Je viens du Sud, donc je suis la baie des Chaleurs puis tout ça. Mais je fais partie de la génération qui voit la mer a plus l'importance. Elle a plus l'importance qu'elle avait autrefois. Puis, tu sais, elle sert à folkloriser pour le tourisme, mais il n'y a plus de pêche. Autrefois, il y avait aussi l'exploitation forestière, on utilisait les quais pour le transport du bois. Puis là, ben, toutes nos quais se voient comme en difficulté. Et ben là, il y avait les manchettes là, de percer, entre autres, la semaine dernière. Mais le projet parle beaucoup de ça aussi. Il n'y a pas seulement des photos de Québec, mais ils sont amalgamés avec plusieurs photos de quais où les gens se sont mobilisés sur les quais pour venir faire une photo de groupe pour signaler que c'est important pour eux. Oui, ça, c'est un projet que tu avais fait, là. Entre autres, mais je le mélange avec Port d'attache pour justement parler de toutes ces différentes façons-là d'être attachées, là. Oui. Mais j'ai envie de revenir, en fait, sur... Tu parlais du mur, que ça ressemble justement chez nos parents ou encore chez nos grands-parents. Tu as décidé d'investir seulement un mur où il y a le mur de gauche aussi où il y a une petite photographie, mais les deux autres, tu les as pas utilisés. Pourquoi, hein? En fait, je trouvais que quand on entrait dans la salle puis qu'on voyait un mur aussi chargé que ça, ça pouvait faire penser... par exemple, au mur qui est en arrière du divan ou quelque chose comme ça, mais si j'aurais investi toute la salle aussi chargée, je pense qu'on aurait juste pensé que j'ai trop voulu en mettre. Okay, on n'aurait pas compris l'intention. C'est vraiment par volonté de modestie, mais de pas trop en mettre, finalement. J'ai perdu le mot que je voulais dire. Le cyanotype, ça semble être un procédé assez agile, hein, parce que les images qu'on voit, elles semblent déjà un peu usées, ou des fois, on a l'impression que ça a brûlé. Est-ce que je me trompe? Ah non, c'est pas le cyanotype en tant que tel, c'est l'objectif de la caméra qui fait une distorsion à ce point-là. Si parce que moi j'ai fait un négatif avec ce papier cyanotypé-là, mais c'est très haut en contraste, c'est dur d'avoir des détails, que mes noirs sont vraiment bouchés là, puis c'est très contrasté là. Tu dis aussi, bon, t'as mélangé ton travail avec les quais, tu t'intéresses aux quais depuis un certain temps. Tu t'intéresses aussi à la notion de mémoire, d'identité, tout ça. Comment est-ce que tous ces sujets-là te sont venus ou te sont devenus aussi importants? Ah, ben, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un lieu d'histoire maritime et d'archéologie sous-marine, donc c'est pas venu de nulle part. Mais c'est surtout que je me pose beaucoup de questions par rapport au fait que la Gaspésie s'est beaucoup faite folkloriser. Je suis photographe, donc c'est toujours l'image de la carte postale. À chaque fois que je dis que je photographe, les gens pensent que je fais des photos de paysages parce que j'ai un super bel endroit qui a été photographié à maintes et maintes reprises. Puis je pense que ça vient du fait que j'ai envie de parler de l'envers de la carte postale, puis de parler de ce qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est des changements sociaux très importants. Puis la façon que je l'aborde, c'est en parlant des quais, parce que les quais, c'est les cœurs de nos villages, comme les églises l'ont été pour d'autres. Mais oui. Puis, le fait qu'ils disparaissent, ben, c'est la cohésion sociale qui est transformée, puis pas pour le mieux. Puis comment perçois-tu l'avenir dans ce sens-là, dans cette idée justement que c'est la cohésion sociale qui se brise un peu? Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite? Ah, je sais pas. Je suis pas Nostradamus, là, mais... Non, t'as pas une intuition ou une impression? J'ai une intuition, puis il y a une grande lutte qui est à venir pour... puis peut-être que présentement, on vit une période qui est difficile, puis que ça va nous permettre de se refaire une cohésion, puis une force là, communautaire. Puis peut-être que c'est comme nécessaire de vivre des moments de trouble pour se soutenir. Eh bien, voilà. Sur cette intuition, Maryse Gaudreau, je remercie. Merci. Et l'exposition Port d'attache est présentée à vue photo jusqu'au 26 mai. On s'en va en pause audio, on écoute Jazz Failure. Voilà, c'était le dernier extrait. C'était Jazz Failure de Soviet Jazz, justement. Donc, une suggestion de Simon Roy. L'émission tire déjà à sa fin. Avant de terminer, je vous invite à quelques petits événements. Jeudi prochain, à la Chambre Blanche, 5 à 7 3D, Art, Technologie et Société, avec Socano, l'artiste en résidence, et David Saint-Onge. Jeudi aussi, c'est pas très loin, le vernissage de l'exposition de Kristen Roos au lieu. Et sinon, ben, en fin de semaine, il y a 7 films qui ont été présenté et ou primé, je suis pas trop certaine, au 31e Festival international du film sur l'art qui est présenté à Montréal. Et là, ben, on aura droit de voir ces films au Musée national des beaux-arts du Québec, donc vendredi, samedi et dimanche. C'est déjà le temps de terminer cette émission. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs et je vous laisse avec Jules Chaumel et son émission Folk d'Amérique. Bonne soirée à tous.